On a tous déjà entendu parler d'ADN, que ce soit dans les médias régulièrement, à l'école avec ce fameux nom incompréhensible à retenir, acide désoxyribonucléique, je cite de mémoire, hein, aucune idée de la véracité. Vincent Judis, tout jeune docteur en biologie, papa de Kili Science et auteur du blog Dessous de Science, vous propose de remonter l'histoire afin de rencontrer les hommes et les femmes qui ont permis la découverte de l'ADN. Nous sommes le 5 février 2014 et vous êtes dans Podcast Science, épisode 161. Bienvenue! Autour de la table particulièrement internationale ce soir, on a à Lausanne un dictateur déchu. Salut tout le monde. En Californie, dans la jolie ville de Santa Barbara, on a Irène. À Stab City, on a David. Toujours là. Qui va pas beaucoup parler ce soir, mais qui est bien présent. À Paris, on a Robin et moi-même. Et à Lyon, on a notre cher invité Vincent. Salut tout le monde. Et donc, ce soir, un dossier sur l'ADN par Vincent, et puis après les rubriques habituelles, à savoir quelques plugs, une quote, et puis ce sera tout, parce que c'est une émission dossier. Et sur ce, je laisse la parole à l'ancien dictateur, comme au bon vieux temps. Ouais, toujours un plaisir de monopoliser l'antenne. On va commencer par présenter Vincent, notre invité de ce soir. Alors Vincent, avant de commencer, d'abord j'aimerais bien que tu nous dises comment tu t'es retrouvé derrière le micro ce soir. Alors, salut Alan. Bonjour le nouveau dictateur aussi, Nicotube. Hein. Félicitations pour avoir pris la place. Alors, donc je me suis retrouvé derrière le micro parce que donc je suis un auditeur de podcast science, membre du Café des Sciences, et depuis quelques temps, en fait, j'ai dit à Alan, il n'y a pas assez de biologie en fait sur son podcast. Donc du coup, il m'a proposé de venir un peu parler biologie. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un dossier pour vous ce soir. Ok, et puis on n'a pas été trop pénible dans le processus, les allers-retours, tout ça. C'est une expérience que tu recommanderais à d'autres? Ouais, ça va. Non, franchement, non, c'était super. Et puis bon, on verra à la fin de l'émission, je te redirai ça. Ouais, j'allais dire, je fais exprès de poser la question avant qu'il y ait les questions des auditeurs. On verra plus tard. Ok, tu portes plusieurs casquettes. Donc tu l'as dit, tu es également blogueur, également sur le Café des Sciences. Ton blog s'appelle Science Dessus Dessous. Tout à fait. Je te propose qu'on prenne 2 minutes pour en parler après la présentation du dossier. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de préciser que la collection de godasses d'Imelda Marcos fait pâle figure à côté de ta collection de casquettes. Tu es également le papa du projet Qui dit Science. C'est un blog de vulgarisation scientifique destiné aux enfants, animé essentiellement par la joyeuse bande de fous du Café des Sciences. Là aussi, je te propose qu'on en dise un mot après le dossier. Et puis à ce stade, les plus attentifs parmi nos auditeurs auront déjà remarqué que ta voix ne l'aurait pas inconnue. On a eu la chance de t'entendre nous présenter une chronique sur les steaks de cellules souches. C'était lors de notre dernière soirée radio destinée à Lyon. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était en juin dernier. Et puis, depuis, tu as fait du chemin. Si je mettais un peu les formes, il faudrait que je t'appelle Docteur Vincent, c'est ça? Ouais, non, quand même pas à ce point, hein, oui, tout à fait. Bah, toutes mes félicitations. Merci. Tu peux Merci. Nous dire en quelques mots sur quoi a porté ta recherche et comment t'as fait avancer la science, dans la joie, j'espère? Dans la joie, toujours. Dans la joie et la bonne humeur. Donc, j'ai fait modestement avancer la science, hein, comme je t'ai dit en privé. Donc, je travaille sur les cellules souches embryonnaires à l'INSERM à Lyon et les cellules souches embryonnaires de souris. Et au cours de ma thèse, en fait, j'ai étudié 3 gènes qui sont impliqués dans le maintien de ces cellules souches embryonnaires. Il faut savoir en fait que les cellules souches, je prends 5 minutes pour expliquer. Je fais le dossier. Vas-y, si vas-y, vas-y. Donc les cellules souches embryonnaires, en fait, elles sont capables de se différencier dans tous les différents tissus d'un organisme vivant. Donc moi, j'ai étudié 3 gènes qui sont impliqués dans le blocage de cette différenciation et qui permettent donc de les maintenir à un état indifférencié. Parmi les 3 gènes, donc il y en a 2 qui étaient déjà connus et 1 qu'on a découvert au laboratoire et que j'ai nommé personnellement. J'ai l'honneur de le nommer. Sérieux, t'as nommé un gène? Ouais, tout à fait. Tu lui as donné un nom super cool, j'espère. Alors, je l'ai appelé Asgard. Waouh, je suis très fier de toi. Merci. Je me disais que ça ferait plaisir. Donc, ouais, c'est en référence à la mythologie nordique et à Stargate. Excellent. Un peu geek sur les bords. Normal. Ok, bon, puis ce soir, donc, tu nous as préparé un magnifique dossier. Tu vas tout nous raconter sur l'ADN. J'arrête de te torturer avec mes questions et puis je propose qu'on t'écoute. La parole est à toi. Merci, ouais, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'Antiquité, philosophes et scientifiques se posent des questions sur l'hérédité. Donc il y a notamment le médecin grec Claude Galien, qui vécut entre 130 et 200 après Jésus-Christ, et qui rapporta dans ses écrits des témoignages dans lesquels se trouve notamment celui d'une femme blanche, qui dit à son mari blanc, lui aussi avoir, qui dit à son mari blanc également, avoir accouché d'un métis à cause du portrait d'un Éthiopien qui a été accroché au-dessus de leur lit et qu'elle aurait regardé au moment décisif. Donc quelques années auparavant, Aristote émettait les premières hypothèses sur l'hérédité. Pour lui, la transmission parent-enfant est bien réelle, mais sa théorie est encore quelque peu éloignée de la réalité. En effet, selon Aristote, de parents mutilés naissent des enfants mutilés, par exemple de boiteux naissent des boiteux, d'aveugles des aveugles. Cependant, il considère que seul l'homme possède des caractères héréditaires, tandis que la femme possède uniquement une fonction nourricière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion qui a été mise en place à l'Antiquité est restée en place jusqu'à à peu près le 19e siècle, où là nous allons commencer l'aventure de l'ADN et explorer comment les scientifiques ont vraiment mis au point la théorie de l'hérédité. Donc on va commencer par Mendel. En 1822, naquit dans un village de l'Empire autrichien un petit paysan du nom de Johann Mendel. Ce dernier s'avéra très vite un petit garçon plein de ressources et très intelligent. Le prêtre du village décida alors de lui permettre de poursuivre ses études dans un monastère au sein duquel il sera ordonné prêtre et prendra le nom de Gregor Mendel. Au cours de ses études, il rencontra un botaniste qui s'appelle Franz Unger et qui avait un grave problème. Donc il en fit part à Mendel, probablement dans ces termes. Donc je te laisse, Alan, faire l'accent. Ah, je ne comprends pas pourquoi mes petits pois lisses sont devenus ridés à la génération suivante. Peut-être pourrais-tu faire une expérience pour comprendre ce phénomène. Donc Mendel opina du chef. De retour à l'abbaye, il créa un jardin expérimental dans lequel il fit pousser des petits pois jusqu'en 1865, année au cours de laquelle il publia ses résultats dans un article intitulé « Recherche sur des hybrides végétaux ». Donc de ces résultats, il en sortit trois lois qui sont les fondations, vraiment les fondations de la génétique moderne. Avant de vous décrire ces lois, un petit rappel. Donc, comme vous le savez, chaque individu contient pour chaque chromosome une copie de celui de son père et une copie de celui de sa mère. À l'époque de Mendel, cette notion était encore inconnue. Il décrit donc ce qu'il observe avec le terme « facteur ». Donc il dira par exemple le facteur jaune ou le facteur vert pour décrire ce qui est à l'origine de la couleur de ces petits pois. Et à partir de ces observations, il en a déduit que l'enfant contient un facteur de chaque parent et a pu écrire donc ces trois lois. Donc la première loi, c'est la loi dite d'uniformité des hybrides de première génération. Donc c'est un nom un peu barbare, mais je vous la décrire. Donc cette loi décrit les caractères dominants et récessifs. Il a déduit cette loi en croisant une lignée pure de petits pois à graines lisses avec une lignée pure de petits pois à graines ridées. La génération suivante, il a obtenu uniquement des petits pois à graines lisses. Il a donc décrit ce caractère comme dominant sur le caractère graines lisses qui est lui récessif. Donc un exemple assez connu de caractère dominant et récessif concerne notamment le daltonisme chez l'homme. Donc on en a parlé un peu avant l'émission. Et donc le daltonisme, je ne vais pas vous en parler dans ce dossier, car Alan l'a très bien fait dans un précédent dossier de Podcast Science, et vous aurez le lien, je crois, dans le dossier, si je ne me trompe pas. Ouais, on le mettra. Donc la deuxième loi de Mendel, c'est la loi dite de disjonction des allèles. Donc cela, enfin, c'est encore un nom barbare. Les trois lois, en fait, ont un nom barbare. Mais... Donc la loi de disjonction des allèles, c'est la génération qu'il a obtenue précédemment, contenant uniquement des pois à graines lisses, s'est auto-reproduite. La génération suivante est composée de trois quarts de petits pois à graines lisses et un quart de petits pois à graines ridées. On a donc bien une séparation des facteurs à ce niveau, comme Mendel les appelle, lors de la fécondation. Et donc c'est ce qu'il appelle la disjonction des allèles. Enfin, la troisième loi est la loi dite d'indépendance des caractères. Il observa en effet que les caractères couleur, jaune ou vert par exemple du petit pois, et forme, ridée ou lisse, ne sont pas liés, et qu'on peut trouver aussi bien des petits pois jaunes lisses, comme jaune ridé en seconde génération. Mendel fit là, sans le savoir, la première observation que chaque caractère est créé par des gènes différents. Mais la notion de gène arrivera beaucoup plus tard. Donc ces lois ont posé les fondations de la génétique du XXe siècle. Cependant, les travaux de Mendel ont été assez critiqués. Donc ils ont tout d'abord été critiqués par les moines du monastère de Mendel, qui en avaient assez de manger de la soupe de petits pois à chaque repas. Bien, il faut savoir qu'il a utilisé au moins des milliers et des milliers de petits pois pour faire ses expériences. Mais surtout, elle a été critiquée par plusieurs chercheurs au cours du XXe siècle. Les lois que Mendel a décrites sont des lois statistiques. Or, Ronald Fisher, mathématicien émérite, démontra en 1936 que les résultats de Mendel étaient beaucoup trop beaux et proches de la théorie pour être vrais. Donc la revue d'horticulture Hortes Sciences a émis une critique des travaux de Mendel dans un petit article cocasse qui reprend un extrait de la Bible, publié en 1972 et traduit dans le livre de Michel de Pracontal, L'imposture scientifique en 10 leçons. Je vous conseille vraiment ce livre d'ailleurs, car enfin, il est vraiment super intéressant pour comprendre comment des fois la fraude scientifique peut amener des bonnes lois qui régissent encore le monde de la science. Donc je vous lis l'article d'Ordre Science. Au commencement était Mendel, ruminant ses pensées solitaires. Puis il dit qu'il y ait des pois, et il y eut des pois, et cela était bon. Puis il mit ses pois dans le jardin et leur dit « Croissez et multipliez-vous ». Ainsi firent-ils, et cela était bon. Puis advint que Mendel rassembla ses pois et les sépara en graines rondes et ridées. Il vit alors qu'il y avait 450 pois ronds et 102 pois ridés. Cela n'était pas bon, car la loi stipule qu'il doit y avoir 3 ronds pour 1 ridé. Mendel, pris d'un juste courroux, frappa sur la table et dit « Éloignez-vous de moi, pois maudit et diabolique. Retournez dans les ténèbres où vous serez dévorés par les rats et les souris. » Et il en fut ainsi. Il ne resta plus que 300 pois ronds et 100 pois ridés. Et cela était bon. Excellent même. Et Mendel le publia. Excellent. Donc cependant, malgré les critiques qui ont été émises pendant au XXe siècle, les lois de Mendel n'ont jamais été remises en cause et la génétique moderne était née. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pas précisé, c'est que Ronald Fisher n'accuse jamais Mendel dans son article ou dans sa correspondance avec ses amis, ses proches. En fait, il dit que la probabilité que Mendel ait eu exactement les résultats statistiques qu'il a publiés dans son article, c'était vraiment quasiment impossible. Mais il remettrait plutôt en cause les jardiniers qui ont aidé Mendel et qui devaient sûrement être au courant de ses travaux et peut-être pour éviter de refaire l'expérience, car des années de croissance de petits pois ont un peu trafiqué les résultats pour que ça colle à la théorie du moine. Donc maintenant, je vais vous parler de Friedrich Miescher, c'est l'homme qui posa la première pierre de l'ADN. En 1869, Friedrich Miescher, brillant scientifique suisse, comme quoi des fois en Suisse ils font des moyens scientifiques, découvre ce qu'il appelle la nucléine, ce qu'on appellera l'ADN aujourd'hui. Comment t'as dit que ça s'appelle ? La nucléine. Nucléine, d'accord. Donc c'est ce qu'est l'ADN aujourd'hui. Il l'isole pour la première fois à partir de leucocytes, de globules blancs, puis retrouve cette molécule dans d'autres cellules telles que des cellules du rein, du foie, de levure, ou des cellules d'œufs de poule. Un nouveau facteur a été découvert, dit-il. Ce dernier semble être essentiel à la vie, du plus basique au plus évolué des organismes. Donc cette phrase que je viens de vous dire, il l'a émis dans une lettre adressée à ses proches. Donc je vais la relire parce que j'ai un peu cafouillé. Un nouveau facteur a été découvert, ce dernier semble être essentiel à la vie, du plus basique au plus évolué des organismes. Miescher se tourne ensuite vers l'analyse du sperme de saumon. Il remarque alors que la présence d'une quantité importante de nucléine dans ses cellules. Dans une lettre adressée à son collègue Rudolf Bohm, il expose l'hypothèse qu'il a tirée de son observation. Au bout du compte, j'ai l'intuition que la nucléine n'est pas uniquement utile pour la physiologie du sperme, mais qu'elle joue un rôle beaucoup plus important. Donc là, il commence vraiment à se douter que la nucléine pourrait être essentielle à l'hérédité. Mais malheureusement, avec les connaissances scientifiques de l'époque, Miescher n'a pas réussi à concevoir que la nucléine puisse à elle seule expliquer la différence physique entre les individus et notamment entre les différentes espèces animales. Il arrive donc à la conclusion erronée que le mouvement particulier du spermatozoïde ou l'activation de l'ovocyte par une impulsion nerveuse lui conférant des propriétés physiques et chimiques différentes était responsable de l'hérédité. En 1874, il arrive même à publier un article dans lequel il accumule des preuves contre le fait que la nucléine est responsable de l'hérédité. Ceci entraîne la chute de nombreux autres scientifiques qui s'était concentré sur cette molécule et avait trouvé des résultats plutôt intéressants. La communauté scientifique entière perd alors la foi en l'ADN. En 1882, Walter Fleming observe pour la première fois au microscope ce qui sera appelé quelques années plus tard des chromosomes. Donc pour l'anecdote, le mot chromosome vient du grec chroma, qui veut dire couleur, et soma, corps. Ils ont été appelés comme cela car la coloration que Fleming utilisait pour observer les cellules au microscope se fixait sur les chromosomes. Il observa ensuite le devenir des chromosomes tout au long de la division cellulaire, et notamment le fait que les paires de chromosomes de la cellule mère se séparaient en deux, qu'un de ces chromosomes allait dans chaque cellule fille, et que la cellule fille copiait le chromosome de la mère pour en avoir une paire identique à celle de la cellule mère. Cependant, il ne réussit pas à faire le lien entre les chromosomes et l'hérédité. Comment les scientifiques sont revenus sur l'ADN ? Qui a utilisé pour la première fois le mot gène et comment ont-ils réussi à lier l'ADN et l'hérédité ? Donc là, on va passer au XXe siècle et c'est les chercheurs du XXe siècle qui ont réussi à répondre à ces questions. Merveilleux. Donc en 1909, pardon, un biologiste danois du nom de Willem Johansen effectue donc 45 ans après Mendel des recherches sur les caractères héréditaires des haricots. Donc après les petits pois, on arrive aux haricots. Il publie ses résultats dans le journal The American Naturalist. Dans cet article, il arrive à la conclusion que la transmission des caractères physiques de génération en génération est due à des petits éléments présents dans la cellule. Il décide alors de créer un nouveau mot pour les baptiser et les appelle gènes. Alors là, je trouve vraiment exceptionnel le pourquoi d'avoir créé ce nouveau mot. Donc il explique dans son article que le langage n'est pas seulement notre serviteur quand nous voulons exprimer nos pensées, mais il peut aussi être notre maître, nous écrasant par les notions attachées aux mots déjà existants. Les vieux mots sont souvent compromis par leur utilisation dans des théories dépassées ou erronées. C'est vrai qu'à ce niveau, c'est absolument génial. C'est un problème qu'on voit tout le temps avec l'interprétation du mot évolution dans la théorie de Darwin. C'est vrai que s'il avait créé un nouveau... Enfin bon, lui, il avait même pas tellement utilisé évolution, c'est venu après. Mais c'est vrai que s'il avait créé un nouveau mot pour le concept, on serait peut-être pas aussi emmerdé quand on essaye d'expliquer la théorie. Tout à fait. Et c'est vraiment une notion que je trouve vraiment... Enfin, il a vraiment réfléchi au concept. Ouais, très fort. Donc ça, c'était qui, t'as dit? Il s'appelle... C'est Willem Johansen. D'accord. C'est un Danois. Un Danois, et c'était en 1909. 1909, ouais, mm-hmm. Donc, début du 20e. Ok. Donc il émet des hypothèses plutôt intéressantes de l'analyse de ses résultats, notamment le fait qu'un caractère pourrait être contrôlé par plusieurs gènes. Donc pour Mendel, c'était un caractère, un gène. Mais la plupart du temps, la plupart des caractères sont contrôlés par plusieurs gènes. Il n'existe pas, par exemple, un gène de la méchanceté, comme certains veulent nous le faire croire. Donc, pour Johansen, les gènes ne sont pas portés par les chromosomes qui ont été découverts un peu plus tôt. Et aucun résultat ne permet d'émettre une hypothèse sur la nature des gènes. Il conclut enfin son article. Là aussi, il a une phrase que je trouve vraiment magique. Donc, il conclut enfin son article, trop long pour son contenu réel, mais trop court pour l'importance du grand problème qui est l'hérédité, par le fait que l'hérédité peut être définie par la présence de gènes identiques entre les ancêtres et les descendants. La nature de ces gènes a été découverte 35 ans plus tard. En 1944, Oswald Theodor Avery et ses collègues ont effectué une expérience qui a permis pour la première fois d'effectuer le lien entre ADN et gènes. Alors je vais vous décrire l'expérience, mais si vous voulez, sur le dossier qu'Alan a publié sur Podcast Science, il y a un schéma plus explicatif peut-être que de longues paroles. Donc au cours de cette expérience, ils ont utilisé deux types différents de bactéries pneumococcus. La souche R, qui est inoffensive, et la souche S, qui provoque des pneumonies. Une expérience précédente avait montré que lorsque l'on fait chauffer les bactéries S, donc la souche S, c'est celle qui fait les pneumonies. Donc quand on les fait chauffer à 60 degrés, ces dernières deviennent inoffensives. Okay. Cependant, quand on mélange ces bactéries inactives avec des bactéries R, ces dernières deviennent alors capables d'induire des pneumonies. Donc ils pensent qu'il y a des facteurs qui sont relingués par les souches de bactéries S chauffées et qui vont induire le fait que les bactéries R, qui sont d'habitude inoffensives, puissent induire des pneumonies. Donc Avery s'est demandé ce qui pouvait changer la nature de ces bactéries. Alors il a récupéré une solution contenant les protéines, l'ADN et l'ARN des bactéries S, puis a mélangé cette solution avec des bactéries R. Alors je vais revenir sur les notions un peu plus tard d'ARN, ADN et protéines. Juste pour là, cette expérience, gardez en tête que l'ARN est un intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Je vais revenir un peu plus tard, vous décrire plus précisément les mécanismes. D'accord. Donc il a mélangé cette solution protéine ADN ARN des bactéries S avec des bactéries R. Ces dernières, donc, qui sont normalement inoffensives, ont alors provoqué des pneumonies. Il a ensuite détruit les protéines, testé la nouvelle solution ARN-ADN, puis a détruit les ARN et testé la solution d'ADN pur. Après analyse des résultats, il en conclut que l'ADN des bactéries S a donné la capacité de provoquer des pneumonies aux bactéries R. Donc là, ce fut vraiment la première expérience qui montra le rôle essentiel de l'ADN dans la transmission héréditaire entre individus. Donc les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place petit à petit. Les scientifiques de l'époque ont alors cherché à découvrir la structure de l'ADN. Donc cette dernière a été découverte en 1953 par l'Américain James Watson et l'Anglais Francis Crick, qui ont eu un prix Nobel pour cela en 1962. Pour l'anecdote, le premier dessin de la structure en double hélice de l'ADN, publié dans le petit article de Watson et Crick, je dis petit article parce qu'il fait qu'une page en fait. C'est vrai ? Ouais, il fait qu'une page. Dingue. Et il y a juste le dessin de la double hélice d'ADN, et il fut réalisé par la femme de Crick, qui s'appelle Odile, et qui a été peintre de profession, mais en fait, elle est connue que pour cette réalisation. Elle n'a jamais fait d'autres tableaux. Donc là, ouais, voilà. Donc j'ai vu des commentaires qui me disent de parler de Rosalind Franklin, donc je vais le faire. Ouf. ça commence à chauffer dans la chatroom. Je m'inquiétais. J'ai vu ça. Ouais. Mais en même temps, c'est malheureusement, je dirais, c'est la seule femme que je citerai dans ce dossier. Et ça, c'est un peu. Ça n'a pas été réglé aujourd'hui encore. Bon, mais au moins tu la cites, c'est déjà bien. Ouais. Donc cette découverte aurait certainement été impossible sans elle. Donc cette grande scientifique oubliée qui mourut malheureusement bien jeune. Donc elle est morte d'un cancer des ovaires assez jeune. Au début des années 50, elle travaillait dans le laboratoire du physicien John Randall. Rosalind Franklin et Maurice Wilkins menaient chacun de leur côté dans ce laboratoire une équipe travaillant sur l'ADN. Au cours de ses recherches, Franklin effectua la première photographie de la structure de l'ADN par diffraction de rayon X. Donc il s'agit de la fameuse photo 51. Elle était alors sur le point de découvrir la structure de la molécule d'ADN. Cependant, Maurice Wilkins montra la photo à ses amis Watson et Crick sans s'en informer Rosalind Franklin. Alors, est-ce qu'il a agi par jalousie, par machisme ou simplement parce qu'il ne s'entendait pas avec Rosalind Franklin? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais une chose est sûre, c'est que le nom de Rosalind Franklin apparaît uniquement dans les remerciements sur l'article de Watson et Crick. Si vous avez l'occasion de revenir sur l'article de Watson et Crick, il me semble que c'est dans Nature, le journal Nature, vous verrez que deux articles en dessous, il y a un article de Rosalind Franklin qui publie la photo de la photo 51 en fait, et c'est pareil, il fait une page. Et voilà, c'est vraiment bizarre de voir qu'elle est citée uniquement dans les remerciements de Watson et Crick. Mmh. Donc elle décéda en 1958 d'un cancer des ovaires, donc 5 ans après la découverte de la double hélice d'ADN. Et 4 ans avant que Watson, Crick et Wilkins n'aient le prix Nobel. Donc elle, malheureusement, à titre posthume, ils ne donnent pas le prix Nobel, mais je pense que même ils ne l'auraient pas forcément remis malheureusement. Donc son rôle dans la découverte de la structure de l'ADN fut mis en avant quelques années plus tard quand même par Watson et Crick dans des livres et interviews. Aujourd'hui, la Royal Society décerne un prix Rosalind Franklin afin de promouvoir le rôle des femmes dans la science. Donc la structure de l'ADN ayant été découverte, les scientifiques ont essayé par la suite de craquer le code afin de découvrir les secrets que recèle cette molécule. Dans ce but, le russe Georges Gamow créa une fraternité regroupant plusieurs scientifiques de renom et cette fraternité s'appelle le RNA Thai Club. Donc en français, c'est un peu pourri quand même. C'est le club de la cravate ARN. Ouais, effectivement. Donc pour l'anecdote, chaque membre de la fraternité avait un petit nom de code constitué des premières lettres des acides aminés formant les protéines. Donc Crick était TYR, tyr, pour tyrosine. Watson, c'était PRO, pour proline. Et tous les membres portaient une cravate différente sur laquelle était représentée la structure de l'acide aminé de leur nom de code, d'où le nom du club. Cependant, ce n'est pas un membre de ce club privé qui déchiffra le code de l'ADN. Donc, petit aparté à ce niveau, pour rappeler les bases du code génétique. Donc, la traduction de l'ADN fonctionne comme le chantier de votre maison, par exemple. On peut comparer l'ADN au plan de l'architecte. Comme le plan d'architecte qui contient toutes les informations nécessaires pour construire une maison, l'ADN contient l'information pour créer et gérer un être vivant. Le code de l'ADN est composé d'une répétition de 4 bases azotées qui sont A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Donc c'est cette répétition des 4 bases qui va faire le code génétique. Le plan de l'architecte est ensuite lu et transcrit par le chef de chantier. On peut alors le comparer à l'ARN, qui est une transcription de l'ADN dans nos cellules. Donc plutôt, je vais être un peu plus précis, c'est l'ARN messager, parce qu'il existe différents types d'ARN. L'ARN messager est également constitué d'une répétition de 4 bases azotées, qui sont l'adénine, la cytosine et la guanine, donc comme l'ADN, et l'uracile qui remplace la thymine. Donc les bases azotées, c'est les lettres de cet alphabet de l'ADN. Voilà, tout à fait. On prend chaque fois la première lettre, donc ATCG ou AUCG, voilà, pour de l'ARN. D'accord. ADN et AUCG pour l'ARN. Okay. Et ce qu'il faut voir là, c'est que c'est un alphabet à 4 lettres, comme pourrait être le code informatique, le binaire, par exemple. Et le binaire, en fait, il est sur 2 chiffres, en fait. Et là, on est sur 4... sur 4 signes. Un code quaternaire, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense. On peut dire ça. On va voir si on se fait engueuler par les matheux. A priori, il n'y a pas de réaction. Donc, pour finir, donc, le chef de chantier qui construit votre maison traduit le plan pour les ouvriers qui effectuent alors les travaux. Les ouvriers, on peut les comparer donc aux protéines. Dans la cellule, l'ARN est traduit en protéines, l'ARN messager, traduit en protéines, et c'est ce code-là que les scientifiques essayaient alors de briser. Les protéines sont constituées de 22 acides aminés qui sont reliés entre eux par des liaisons dites peptidiques. Donc, je ne vous citerai pas ici tous les acides aminés de peur d'être rébarbatif, mais donc, comme j'ai donné les noms de code de Watson et Crick, il y a au moins la proline et la tyrosine. Donc revenons à nos moutons. En 1961, Marshall Nirenberg et Johann Mattai déchiffrèrent pour la première fois une partie du code génétique. Pour cela, ils ont utilisé un système sans cellules ou cell-free. Ce système a consisté à mettre dans un tube à essai tout ce qu'ils considéraient comme étant nécessaire pour créer une protéine. Ils ont ensuite rajouté des séquences d'ARN composées uniquement d'une seule base. La première séquence d'ARN utilisée ne contenait que des U, ou uracile. Ils ont alors obtenu une protéine composée d'une répétition d'un seul acide aminé, la phénylalanine. La première traduction du code génétique était effectuée. La traduction se passe en codon, en fait. On considère trois bases azotées vont donner un acide aminé. Donc ici, ils ont remarqué que la répétition U, U, U, donc 3U, donnait la phénylalanine. Ils ont alors recommencé avec une séquence d'ARN ne contenant que des C et observèrent que la répétition C, C, C code pour la proline. L'apport de Har Gobind Khorana, qui est un chercheur indien travaillant aux États-Unis, fut alors décisif. En effet, il fut le premier scientifique à créer un ARN synthétique en choisissant précisément la composition de sa séquence. Le premier ARN qu'il créa était composé d'une répétition des bases UCU, CUC. Il a alors obtenu une protéine, composée d'une répétition du couple acide aminé sérine-leucine. Donc UCU égale sérine, CUC égale leucine. Donc ça a fait assez fastidieux comme travail, et c'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel en 1968 pour cette découverte qui a vraiment permis de franchir un cap dans la compréhension de l'ADN. Et ils ont pu ainsi craquer tout le code génétique. Ils ont pu ainsi décrire la traduction de l'ADN en protéines. Ok, donc Nobel bien mérité. Tout à fait. Tout à fait. Et donc il y a eu plusieurs autres prix Nobel après pour des, on va dire des petits détails, mais non, en fait c'est des grosses découvertes, mais je vous parlerai pas ici parce qu'elles sont un peu, il faut rentrer plus dans les détails. Mais voilà, les pionniers de l'ADN ont quasiment tous eu un prix Nobel pour leurs différentes découvertes. Donc Watson et Crick pour la double hélice et eux pour le code génétique. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu à l'utilisation de l'ADN de nos jours. Donc je vais tout d'abord parler des organismes génétiquement modifiés, ou OGM. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le débat. Marc Robinson Réchavi va faire très bien dans une prochaine émission de Podcast Science. Alan m'a dit que c'était le 2 avril. Juste, ouais. Ouais, très bien. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais juste vous expliquer l'historique un peu des OGM. Donc le principe des OGM consiste à rajouter, modifier ou enlever un gène à un organisme vivant. Le premier OGM a été créé en 1973 par Stanley Cohen et Herbert Boyer. Ces deux scientifiques américains ont introduit un gène de résistance à un antibiotique à l'intérieur d'une bactérie dénommée Escherichia coli. Le gène fonctionna et la bactérie devint résistante. Aujourd'hui, cette technique est utilisée en routine dans les laboratoires de recherche. Donc, moi, au quotidien, je l'utilise. Le gène fonctionna... excusez-moi. En 1983, les chercheurs belges Joseph Schell et Marc van Montagu ont été les premiers à réussir la modification génétique d'une plante de tabac. Aujourd'hui, les plantes génétiquement modifiées, le coton, le maïs, le riz, sont plantées sur plus d'un quart des terres cultivées et permettent de réduire la consommation de pesticides de manière assez importante. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans le débat, mais je vous invite à lire l'article de Marc Van Montagu, justement, dans le Wall Street Journal, qui est intitulé « The Irrational Fear of GM Foods ». Donc voilà, donc là, c'est pour les OGM. Ouais, donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais Marc le fera très très bien. Donc maintenant, je vais vous parler d'une autre utilisation des ADN que je trouve tout aussi intéressante et vraiment, je pense, pleine d'avenir. En 2012, des chercheurs d'Harvard ont réussi à copier pour la première fois un livre traitant de génétique, bien sûr comme par hasard, en ADN. Ce livre contient exactement 53 426 mots, 11 illustrations et un programme Java. Au lieu d'utiliser le système binaire informatique, donc comme je vous l'ai dit précédemment 1-0, les chercheurs ont utilisé pour coder ce livre le système quaternaire de l'ADN, A, T, C et G. Ils ont alors synthétisé de manière complètement artificielle des morceaux d'ADN contenant des petits passages du livre. Ces morceaux, tous rassemblés, pèsent environ 1 picogramme, soit 1 trillion de fois moins qu'un gramme. Donc c'est comme si voilà, vous portiez votre bibliothèque pourrait faire quasiment un gramme. J'avoue, c'est plus fort que le Kindle encore. Oui, je pense. Donc les morceaux d'ADN ont ensuite été séquencés et les chercheurs ont pu alors retrouver l'intégralité du livre sur leur ordinateur. En janvier 2013, l'équipe du chercheur britannique Nick Goldman a amélioré le système de stockage sur ADN. En effet, afin de réduire la perte d'informations, ils ont eu l'idée de la stocker sur des petites séquences d'ADN de 117 bases azotées chacune. Sur chaque séquence, ils ont également ajouté un petit indice permettant de correctement la situer au moment de l'assemblage final, un peu comme un numéro de page par exemple. Ils ont ainsi réussi à stocker en ADN les 154 sonnets de Shakespeare, 26 secondes audio du célèbre discours de Martin Luther King « I have a dream », une photo de leur laboratoire à l'EBI à Kingston au Royaume-Uni, l'article de Watson écrit, comme par hasard, et une notice pour réassembler et traduire les différentes petites séquences d'ADN. Donc tout ça sur de l'ADN. Après traduction, ils ont récupéré 100% de leurs données. L'équipe de Nick Follman estime que le stockage en ADN de chaque mégabit de données coûte environ 12 400 dollars, donc ça n'a encore pas donné, et que sa lecture coûte environ 220 dollars. Cependant, on peut être confiant sur une réduction rapide des prix quand on sait que le séquençage du génome humain est passé de 3 milliards de dollars en 90 à 1 000 dollars aujourd'hui. Effectivement, donc il y a des chances que ça baisse. Puis c'est sûr comme système de stockage, c'est safe? Pour moi c'est le plus sûr parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'ADN déjà le plus vieux système de stockage en soi qui existe. Car l'information en fait est conservée et se propage depuis environ 3,5 milliards d'années. Ouais, c'est complètement fou. Puis donc dans les premiers ancêtres communs qui remontent à cette période, donc ancêtres communs à tout le vivant d'aujourd'hui, il y avait déjà des séquences ADN qu'on retrouve chez tous les individus de toutes les espèces, de tous les ordres. Aujourd'hui, toi et moi, on a dans chacune de nos cellules un bout de code qui date de cette époque-là. C'est tout ça fait, tout à fait, tout à fait. C'est hallucinant quand même. Ouais, non, c'est sûr, il faut vraiment ça remettre dans le contexte. Et c'est une des phrases d'ailleurs qu'avait dit le chercheur, Nick Follman, c'est que ce système de stockage pourrait résister même à ce qu'il appelle une apocalypse, c'est-à-dire on peut imaginer un système complètement dépourvu de, enfin, un bloc total de tout ce qui est DVD ou etc. Disque dur, mais l'ADN restera quand même. Ouais, enfin d'ailleurs, il a résisté à 5 extinctions dans le vivant déjà, et puis ouais, c'est toujours là quoi. Par contre, le souci à ce niveau, c'est que il y a quand même eu des mutations depuis 3,5 milliards d'années et ce serait dommage, par exemple, qu'au milieu d'un livre de Shakespeare, on trouve de la chiclite ou des trucs comme ça. C'est les risques du métier. Donc, par contre, les systèmes de stockage actuels d'ADN sont vraiment performants. Et on arrive à stocker de l'ADN dans des congélateurs, donc à moins 20 dans tous les congélateurs qu'on a dans nos frigos, et à le stocker plusieurs années sans problème. Ok. Donc on peut imaginer bientôt avoir notre stock de DVD et de livres au congélateur. Pourquoi pas. Et il y a aussi un truc qui est impressionnant, c'est qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps un séquenceur d'ADN sous forme de clé USB. Donc on peut imaginer plus tard, pourquoi pas louer un DVD, donc un tube contenant de l'ADN, le déposer sur notre clé USB et lire ça directement sur notre télé. Donc voilà, il faut rêver un peu. Depuis peu, l'ADN est également utilisé en nanotechnologie. Donc cela a commencé tout d'abord avec les recherches de Paul Rothmund, qui créa les premiers origamis en ADN. Donc j'ai mis, pareil, la référence de l'article dans le dossier et une photo que vous pouvez regarder du premier origami qu'il a fait. Donc grâce aux capacités de repliement particulières de l'ADN, ce chercheur, travaillant à Pasadena aux États-Unis, a réussi à créer les plus petits smileys au monde. Donc il a fait des smileys d'ADN. Donc chaque smiley mesure 100 nanomètres de long, soit environ 1 millième de la largeur d'un cheveu, 2 nanomètres d'épaisseur, et est composé de 14 000 bases d'ADN. Paul Rothmund a réussi également à créer plusieurs autres origamis d'ADN en 2D, notamment une carte du monde. Donc si vous voulez, vous pouvez aller sur l'article et vous verrez tous les origamis d'ADN qu'il a créés. En 2009, l'équipe de Sean Douglas du Dana-Farber Cancer Institute à Boston a réussi à créer pour la première fois des nanostructures d'ADN en 3 dimensions. Son plus grand exploit reste quand même la formation d'un icosaèdre en ADN. Alors, icosaèdre, j'ai appris ce que c'était, quand j'ai lu ça dans un article, je me suis dit un peu, qu'est-ce que c'est? Donc il s'agit en fait d'une structure en 3 dimensions comportant 20 faces triangulaires, et toutes ces structures ne mesurent que 20 à 40 nanomètres de long. D'accord. Donc, à quoi ça va servir? Tu peux me demander, Alan. Ouais, à quoi est-ce que ça va bien pouvoir servir? C'est un peu bizarre de faire des smileys d'ADN. Ben en fait, l'an dernier, des chercheurs de l'Institut McGill au Canada ont créé une nanoboîte d'ADN pouvant transporter un médicament à l'endroit désiré dans le corps humain. Selon les chercheurs, les nanostructures d'ADN ont plusieurs avantages. Elles sont biodégradables, c'est-à-dire qu'elles peuvent être... elles ne sont pas comme les nanoparticules qui font actuellement et on ne sait pas trop comment les dégrader. Elles peuvent être construites de manière extrêmement précise et leur taille, forme et caractéristiques peuvent être optimisées au maximum. Ceci est difficilement possible pour toutes les autres nanotechnologies d'ailleurs. De plus, les chercheurs imaginent dans le futur une nanoboîte d'ADN capable de s'ouvrir uniquement en présence d'une protéine donnée. Ainsi, par exemple, on peut imaginer que la nanoboîte ne s'ouvrirait qu'en contact de protéines cancéreuses, délivrant ainsi le médicament précisément au niveau de la tumeur. Donc la nanotechnologie à base de l'ADN peut être un des futurs de la thérapie ciblée. Donc enfin, je vais juste dire deux mots sous forme d'ouverture sur l'utilisation de l'ADN au niveau de la police scientifique et des diagnostics. En France, comme vous le savez peut-être, a été mis en place le fichier national automatisé des empreintes génétiques en 1998. Aujourd'hui, le fichier contient plus de 2 188 000 profils génétiques différents qui correspondent à des personnes interpellées, à des suspects, à des traces retrouvées sur les lieux de crime. Donc depuis 1998, il y a quand même plus de 2 millions de traces ADN dans ce fichier. Et tout le monde peut y être, il suffit qu'on soit passé dans un lieu de crime précédemment et on peut être dans ce fichier. Peut-on penser donc que dans un futur proche, toute personne sera enregistrée sur ce fichier? Est-ce que les profils ADN ne seront pas utilisés à mauvais escient par des compagnies d'assurance, par exemple? Aujourd'hui, le séquençage du génome humain ne coûte quasiment plus rien. Peut-on craindre de voir apparaître une nouvelle forme d'eugénisme avec la possibilité de séquencer le génome de son enfant à naître? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber également dans un séquençage systématique des êtres humains afin de détecter la présence de marqueurs génétiques à un risque et de proposer des traitements dès le plus jeune âge, même s'il y a une faible probabilité que la personne tombe malade, ou alors proposer des assurances adaptées? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment très peu de maladies qui sont monogéniques et qui ont une seule, qui a une seule mutation sur un gène. Par exemple, on connaît le gène BRCA, comme Alan me l'avait fait remarquer dans un mail. Donc c'est le gène d'Angelina qui lui a fait retirer ses deux seins. Ça, c'est un gène, on sait que quand il y a les mutations, il y a 90-95% de chances d'avoir un cancer du sein. Mais les gènes dont on est sûr que quand ils sont mutés, cela va induire une maladie, sont très très rares. Donc néanmoins, en tant que scientifique, j'ai confiance en la recherche et je préfère penser au futur de l'ADN comme unité de stockage ou comme nanotransporteur de molécules que comme Big Brother moderne. L'imagination des chercheurs est sans limite. Et alors, que nous réserve l'ADN à l'avenir? Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. En attendant, si vous voulez retrouver l'histoire intégrale de l'ADN avec toutes les étapes dont je n'ai pas parlé faute de temps, je vous conseille le site www.gene-abc.ch. Donc c'est un site suisse, comme quoi les Suisses sont très forts en vulgarisation scientifique et qui est très très instructif. Donc voilà, merci à tous. Bah, formidable, écoute, merci à toi. C'était vraiment passionnant, on a eu de tout là, des trahisons... de la soupe au pois. Une formidable histoire, merci. Et puis j'ai appris dans la chatroom qu'en fait les images de Paul Rotemund, là, tu sais les smileys en ADN, ont été produites grâce au microscope d'Irène. Irène, t'es toujours là? Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, moi je l'ai connu il y a très longtemps, Paul Rotemund, il était venu justement pour utiliser nos microscopes et il était au tout début de ses recherches, il était tout jeune et oui, il appelle ça des origamis en fait, l'ADN, il trafique un petit peu les séquences d'ADN et avec l'AFM, on peut aller voir avec une super haute résolution en fait toutes les structures. Effectivement, c'est passionnant, ouais. Et c'est vraiment passionnant la manière dont il arrive à créer des origamis de différentes formes et c'est vraiment incroyable. Quand j'ai vu ça, j'étais estomaqué. Et oui, et une des applications qu'il aimerait faire, c'est utiliser l'ADN dans les circuits intégrés des ordinateurs, en fait. Non seulement pour aller créer des, comment dire en français, du stockage de données, mais aussi créer les circuits eux-mêmes, en fait, en utilisant l'ADN en créant des circuits qui peuvent être régulés, en fait, en fonction des séquences. C'est vraiment intéressant. Non, ça, j'ai pas entendu parler. Je suis pas du tout compétent en informatique, donc peut-être que. Mais ouais, non, j'avais pas vu ça, mais oui, c'est sûr que. Enfin, je pense qu'il y a de l'avenir, le croisement biologie et informatique avec l'ADN. Ouais. Et il est très sympa en plus. C'est vraiment quelqu'un de vraiment cool et sympathique. Ah, bah ça, forcément, je veux dire, pour faire des smileys en ADN. Non, sur sa page web où il se présente et où il présente son travail, ça se ressent qu'il est sympa. Ouais. Ça se voit que c'est. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, Vincent, on a eu quelques questions pour toi dans la chatroom. Il y a Pouillot qui nous dit, bon, c'est une blague, stocker de l'information sur ADN, c'est bien, mais attention aux données sensibles, il vaut mieux avoir un antivirus, justement, en lien avec ce que tu viens de dire. Ou alors des bons antibiotiques, parce que pour amplifier en fait, les séquences d'ADN stockées, on utilise des bactéries résistantes, donc des OGM, résistantes à un antibiotique, et donc il faut avoir le bon antibiotique pour pouvoir amplifier la bonne séquence. Donc c'était pas loin de la vérité. Ok. Et puis, comme tu as dit qu'il y a eu des... Enfin, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, ce n'était pas des pollutions, mais il y a eu des... Enfin, il y a des traces d'ADN viral dans notre ADN. Il y en a manifestement dans l'ADN de tout le vivant, j'imagine. Tout On fait. Peut considérer qu'en fait, il n'y a pas d'antivirus dans ce système de stockage. Tout à fait. Ok. On a eu tout un débat entre Randall Flagg et LGG pour savoir si on pouvait effectivement considérer que... Le langage de l'ADN est un langage quaternaire, enfin si c'est un alphabet quaternaire, dans les grandes lignes. Hein. Randall Flagg disait « je ne suis pas sûr que ce soit le cas parce que toutes les lettres ne peuvent pas se combiner avec toutes les autres ». En fait, il y a un tableau, on peut quasiment tout croiser. Ah. En fait, il y a un tableau si vous regardez le tableau du code génétique, vous le trouvez facilement sur Google. Quoi. Vous verrez, donc vous avez première lettre A, T, C, G, deuxième lettre A, T, C, G, et après troisième lettre. Mais le truc, c'est que par exemple, certains codons vont donner le même acide aminé au final. Donc je vais regarder, je vais vous donner un exemple parce que je les connais pas par cœur, malheureusement. Ça remonte à loin. Donc par exemple, pour la phénylalanine, donc ça peut être UUU ou UUC. Donc ces deux codons, ces deux répétitions de trois lettres vont donner de la phénylalanine. Mais après, toutes les lettres, tu vois, il y a toutes les combinaisons qui existent. D'accord. En fait, quand on dit qu'elles ne peuvent pas se combiner entre elles, c'est entre les deux brins d'ADN que les A vont toujours avec les T et les C vont toujours avec les G. Mais après, le langage à proprement parler, c'est la succession sur un seul des brins d'ADN, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est bel et bien quaternaire, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. C'est sûr qu'après, pour l'hybridation entre deux brins d'ADN, les A toujours avec les T, les C toujours avec les G. Mais là, le code génétique, c'est sur le même brin, c'est la suite, comme je vous dis, allo, ça peut être, enfin c'est un mot, j'ai une suite de quatre lettres, donc là c'est une suite de trois lettres d'ADN. D'accord. Par contre, si je me souviens bien, on a l'habitude souvent de dire qu'il est universel, mais ce n'est pas un code universel. Si je me souviens bien, il y a des, chez les bactéries, le code est différent, c'est ça ? C'est un peu... Pour moi, le code est universel, c'est-à-dire que on va avoir les. Enfin, il me semble. Là, j'ai peur de dire une bêtise. Je vais peut-être pas aller trop loin. Cependant, il existe, il a existé, et il y a différents types d'ADN. C'est-à-dire que vraiment, dans les. Pendant, j'ai vu un papier il y a pas longtemps là-dessus, dans les temps immémoriaux, il y a eu différents types d'ADN. Et il me semble qu'il y avait de l'AXN, de l'AZN, et donc c'était les bases azotées qui étaient différentes. Et là, on avait vraiment plusieurs codes génétiques. Donc, et c'est l'ADN qui a survécu. D'accord. Mais alors sur les bactéries, je veux pas trop dire de bêtises, donc je vais pas aller plus loin, mais il me semblait que le code était différent pour certains acides aminés chez les bactéries, mais bon, c'est pas très important. Alors c'est peut-être certaines bactéries très particulières, mais je peux pas trop m'avancer. Ok, on a Robin qui vient de reparcourir la chatroom et qui nous dit qu'il adore les remarques sur la bonne compilation de l'ADN et qu'il est pour renommer ACGT Gabuzome. Ça claque vachement plus. Ah, c'est pas mal. On a Pascal qui demande si A égale T et C égale G. Pas égal, en fait. C'est, je vois après qu'il met plutôt équivalent, mais non, en fait, c'est... Ce sont des mêmes types de bases, c'est-à-dire qu'il y aura alors A et T, c'est des purines, il me semble, ou pyrimidines, j'arrive jamais, je regarde en même temps, je triche un peu, mais bon. C'est des purines en fait, et C et G, des pyrimidines. Donc c'est le même type de base, seulement ils sont pas équivalents, c'est-à-dire que si on remplace un T par un A, on peut facilement avoir des problèmes dans la traduction du code. Par exemple, je vais vous dire un exemple, donc il y a UGA, qui va donner un codon stop. C'est-à-dire qu'on va arrêter, ici ça veut dire, voilà, on arrête la traduction de la protéine. Si on remplace le A par un U, le dernier A par un U, donc par l'équivalent d'un T, on aura une cystéine. Donc on aura continuité de la traduction protéique. Donc c'est vraiment, c'est ça, dès qu'il y a une mutation, ne serait-ce que d'une seule base, ça peut complètement changer la production de la protéine. Et tous les mécanismes sous-jacents du fonctionnement de la cellule. Et c'est notamment le problème au niveau de c'est un des problèmes de l'exposition aux UV qui peuvent entraîner des cancers, c'est que ça entraîne des mutations au niveau de l'ADN. Les UV vont casser l'ADN. Donc c'est des cassures qui sont quand même assez importantes. Et le fonctionnement des protéines ne va plus, soit elles seront plus traduites, soit etc. Et c'est comme ça qu'on aura les cellules qui vont moins bien fonctionner et former des cancers. Donc c'est ça, voilà. C'est pas équivalent, ce sont le même type de base, mais on peut pas remplacer l'un par l'autre. Ok. Alors après, sur la question du quaternaire, on a LGG qui complique un petit peu les choses en nous disant que comme il y a 20 acides aminés, on pourrait aussi parler d'un système de base 20. Mais c'est un matheux, c'est difficile de réaliser. Ils sont impossibles, les matheux. On pourrait. Mais il y en a plus que 20 d'acides aminés. Il y en a 20 essentiels que le corps humain peut pas fabriquer, mais il y en a plus. 22. Mais après, c'est plus un code, en fait. On ne traduit plus le code, enfin, la succession des acides aminés ne sera pas traduite en autre chose, en fait. C'est la succession des acides aminés qui va donner une protéine fonctionnelle et qui va avoir une action dans la cellule. Donc, du coup, c'est le code quaternaire qui code pour une protéine avec 20 acides aminés. Est-ce que j'ai mis mal les matheux, là? Non, mais les matheux se satisferont de la réponse. Bon, formidable. Peut-être juste remonter une dernière chose de la chatroom. C'est Irène Marcy qui dit « Bravo Vincent, très intéressant ». Merci. Super, bah écoute, vraiment merci beaucoup. Dossier absolument passionnant. Merci à toi. Et puis, comme dit en intro, je propose qu'on prenne 2 minutes pour parler de tes différents projets avant de passer à la suite. Bah, volontiers. Ok, donc on commence par ton blog, Science Dessus Dessous. Tu peux nous en dire quelques mots? Alors, donc mon blog qui est un peu à l'abandon ces derniers temps, cause de thèse. Donc j'ai commencé ce blog en 2011. J'ai intégré le Café des Sciences avec ce blog en octobre 2012. Et j'ai écrit plusieurs articles de vulgarisation scientifique dessus. Et j'aimerais à l'avenir, c'est pour ça qu'il est un peu à l'abandon, réorienter le blog Histoire des Sciences et écrire également des petites nouvelles scientifiques dont j'ai déjà commencé à écrire et à publier. Et notamment illustré par l'équipe de Strip Science, qui sont vraiment des dessinateurs hors pair. Et je les félicite pour ça, pour le travail qu'ils font de vulgarisation scientifique. Et la nouvelle que j'ai publiée a été illustrée par Marc Concalves. Donc je le remercie aussi pour son travail. Voilà, j'aimerais vraiment réorienter le blog de cette manière, trouver une nouvelle façon de vulgariser la science sur le blog dessous de science. Ok. Tu peux nous dire quelques mots de qui dit science aussi? Alors, qui dit science, c'est un blog que nous avons créé, toute une équipe du Café des Sciences en février dernier, donc février 2013. Et c'est un blog à destination visée des enfants. Donc, on essaye de faire de la vulgarisation scientifique pour enfants. Donc, depuis le 1er février 2013, on publie un article par semaine. Illustré généralement donc par des dessinateurs de Strip Science et ou alors des vidéos de vulgarisation. Voilà, le but quand j'ai proposé d'ouvrir ce blog, et énormément de personnes ont répondu présentes, et pour ça je les remercie, et notamment Pascal Boger qui a vraiment fait un effort considérable pour maintenir le blog à flot ces derniers temps pendant que j'écrivais la thèse. Donc Pascal Boger, c'est également une blogueuse, du café. Membre du café, son blog s'appelle Le Monde et Nous. Voilà, tout à fait. Et on est toute une bande de joyeux drills et on essaye de faire de la vulgarisation à destinée des enfants. D'accord, vous publiez à quelle fréquence? Donc généralement, on se tient à un article par semaine. On essaye de faire un article minimum par semaine, on peut en faire un peu plus. Les articles sont vraiment très divers et variés. On propose des expériences à faire à la maison, des petites vidéos, des balades scientifiques dans Paris par Amélie Cabas. On fait vraiment et on répond aussi aux questions des enfants. Et je trouve que ça, c'est vraiment essentiel dans un monde où maintenant la science est quasiment au centre de tous les enjeux. Pouvoir donner la parole aux enfants et répondre à leurs questions sur un blog directement, je trouve que voilà, pour moi ça n'a pas de prix et on essaie de le faire le mieux possible. Mmh. Et ce qu'on voudrait, c'est à l'avenir, ça c'est un rêve, je sais pas, je leur ai pas encore parlé, mais ils le sauront comme ça par de vive voix. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que les écoles, collèges, lycées puissent venir écrire un article de vulgarisation scientifique sur le blog, poser des questions, trouver des réponses sur notre blog, et pourquoi pas à l'avenir faire un recueil d'articles qui sont vraiment super intéressants de qui dit science et lancer une publication, comme toi, je pense, tu veux le faire pour Podcast Science. Ouais, enfin, c'est pas juste moi, c'est toute l'équipe. Je vois la question de Pascal, là, je suis là, la chatroom. Enfant, à partir de quel âge? Alors, on essaye de faire le plus jeune possible. Je conseillerais à partir de 5-6 ans, on trouvera déjà des réponses, des expériences à faire rigolotes à la maison pour les enfants. Mmh. Et ça peut aller jusqu'aux grands enfants et peut-être aux parents auxquels les enfants poseront des questions comme comment se forme l'arc-en-ciel ou pourquoi le ciel est bleu et trouver des réponses faciles et illustrées. Ok, puis qui est-ce qui lance les sujets? Enfin, ça part toujours de questions d'enfants ou ça peut être des sujets qui sont lancés spontanément? Alors, il y a un peu de tout. Dernièrement, on a très peu de questions d'enfants. Alors, on arrive quand même à... j'ai eu une bonne nouvelle à Pascal, notamment, et à tous les membres de Kidney Science. On a atteint les 20 000 visites le mois dernier. Donc, on est les 20 000 visites sur un mois, ce qui est pas mal pour un an de blog. Bravo. Et malheureusement, on manque de questions d'enfants, donc il faudrait qu'on travaille sur ce point-là. Ben, on lance un appel, alors. Voilà, donc si dans la chatroom, il y a des futurs auditeurs de Podcast Science ont des enfants qui posent des questions, allez sur Kidney Science. Et généralement, on se lance des idées entre membres du café et on prévoit des articles. Donc il y a toujours un système de relecture aussi, c'est-à-dire que les articles, on les publie ensemble. Enfin, une personne va l'écrire, va l'illustrer et on check tous ensemble pour le publier sur le blog. Et c'est vraiment un travail participatif et associatif qui est vraiment super intéressant. Ok. Et puis, vous avez des retours de vrais enfants? Alors, on a pas mal de commentaires sympas sur le blog d'enfants qui sont plutôt contents. Après, je pense que moi, de mon côté, je côtoie très peu d'enfants, malheureusement. Mais j'espère que ça plaît. Je pense que les enfants de Pascal pourront dire que ça plaît. Si tu peux répondre dans la chatroom, donc direct, comme ça m'arrangerait. Et on a eu un article d'élèves de collège qui a été publié sur le blog, d'élèves de la classe de Martin. Et Martin, du blog Pourquoi le ciel est bleu? Voilà, je ne sais pas si j'avais le droit de le dire. Monsieur Pourquoi. Donc sa classe a publié un article et c'était vraiment, vraiment super intéressant ce travail aussi. Bon, bah formidable. Écoute, on souhaite longue vie à ce beau projet. Merci. Et on a la réponse de Pascal, en fait. Elle nous dit que non, ils ne lisent pas. Allez, bon, bah, voilà. Les même enfants sont des ingrats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je propose qu'on enchaîne. On va écouter le pitch de l'émission de la semaine prochaine. Alors, c'est des choses qui ne se commentent pas. Je crois qu'il faut les écouter d'abord et puis on en discutera après. On y va. À ceux qui me diront que le sexe, soit on en parle, soit on pratique, je leur répondrai qu'ils n'ont peut-être pas tort. C'est d'ailleurs peut-être pas une coïncidence si Alan il a décidé de démissionner de Podcast Science juste à l'annonce du sujet de mon dossier, peut-être par peur de trop en dire. On le comprend et on lui souhaite bonne résidence en entreprise. Pour les autres, je vous propose en cette veille de Saint-Valentin, nous interroger sur le bénéfice du sexe dans l'histoire du vivant. Qu'est-ce que le sexe? Combien coûte-t-il? Bon, au niveau évolutif bien sûr, hein. Je ne parle pas ici des tarifs qui sont pratiqués au bois. Est-ce que le sexe vaut-il le coup par rapport à la reproduction asexuée? Tout, vous serez tous sur le sexe en écoutant Podcast Science. Alors rendez-vous mercredi 12 février à 20h30. Bisous! Vous avez bien sûr reconnu Billy, notre ami Billy du blog scienceabilly.com. Donc ce sera le mercredi 12 février. Deux jours avant la Saint-Valentin, toujours à 20h30 sur live.podcastscience.fm. C'est mercredi prochain. En fait, en tant que dictateur déchu, moi, j'avais pas l'intention de revenir si tôt, mais là, je résiste pas. Je pense que je serai de nouveau là la semaine prochaine pour le plaisir d'entendre Billy nous parler de sexe. Ça s'invente pas. C'est qu'une fois dans la vie d'un podcasteur, ces choses-là. On enchaîne avec la quote. Alors, Vincent, j'espère que j'ai pas oublié de te prévenir qu'il fallait que tu viennes avec une quote. Non, tu m'as pas oublié. Par contre, je ne l'ai pas sous les yeux, tu l'as? Alors ouais, je l'ai sous les yeux, je vais la lire et puis tu pourras la commenter. Très bien. Les entrechats d'Eros mènent aux entrelacs de l'ADN par un sacré culbutage des chromosomes. Donc ça fait une bonne transition pour le prochain dossier. C'est pas mal. Hein. Vous étiez consulté avec Billy? Pas vraiment, non. C'est... non, ouais, en fait, j'avais vu que c'était le prochain dossier, donc j'ai trouvé une quote associée. Ok, et donc c'est une quote que tu as trouvée dans un livre d'Eva Almassi. Okay. Le livre s'appelle « Tous les jours ». Voilà. Ok. C'est une très bonne citation. Tu peux nous dire deux mots du livre ? C'est à la portée de tous ou c'est un ouvrage de spécialiste ? Non, c'est un roman. C'est un roman, d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, tout le monde peut le lire, mais j'avais trouvé cette phrase qui était pas mal. Parfait. Bah écoute, merci. Très belle quote. J'ai pas de commentaires à faire. Je sais pas si l'un de mes comparses... Je pense que ça suffit à elle-même. Ouais, je trouve aussi. On peut faire les interprétations qu'on veut. Ok. Je sais pas où est passé notre dictatup. Je l'entends plus, mais du coup, je reste sur mes habitudes de vieux dictateur. Et... Ah, mais j'écoute sagement. Ah. Tu fais bien. Hein. On va te recruter en dictateur. J'ai pas l'habitude que tu sois si discret, en fait. Bah écoute, je suis discret. J'écoute. J'ai même plus besoin de dessiner. On a des merveilleux dessinateurs. Ouais, alors ça, c'est vrai. On a Pouillot dans la chatroom qui nous a pondu des merveilles. Vincent, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. Et on a eu un dessin de Randall Flagg aussi. Voilà, donc c'est merveilleux. Je voulais féliciter Pouillot parce que c'est des super dessins. C'est cool, hein. Ouais. Donc les dessins de Pouillot et de Randall Flagg, bien sûr, on les retrouvera dans les notes de l'émission. C'est l'émission 161 pour les personnes qui nous écoutent en différé. Et puis, bah, puisqu'il faut tout faire ici, le nouveau dictateur en fout pas une, j'enchaîne avec la rubrique suivante, c'est les plugs et les liens évoqués. En fait, j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas du tout un plug. Moi, je voulais juste dire un immense merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages formidables suite à mon passage de témoin du dictatoriat de Podcast Science à Nicotup. Merci à Mathieu, Antoine, Marco, Lucille, Georges, Pierre, Billy. Merci à Antoine alias Enro, à Romain Bourboulou, Pierre Chirsen. Enfin, je sais jamais comment on prononce son nom, j'imagine que c'est comme ça, C-H-I-R-S-E-N. Julien Gendreau, David Loureiro, Clara Moreau, Alges, Vincent Le Breton, Kramnik, Blast, Jonathan de Voyagecast, Ben de Niptech, John Calac, Alma Mocca, Kevin Moulard, Hélène Val, Christophe Mérès, Frédéric Conrot, Emmanuel Forcy, Christian Jean-Breuers, Julien Patate, Lipkim, Monsieur Noz, Alnitam, JFK, Slivin, Charlie Buzz, Tristan, Dorian, Seth Japon, Toam, Zotomel, Daniel Atlan, Sylvain Fourny, pardon, John, Yannick Lallemand, Antoine Mercadal, Steph du Canada, Loïc Lemire, Pierre Tirgari, Simon Wright, le mystérieux user 40739 4405 de SoundCloud, Olivier Perrin à l'instant sur Facebook, et enfin, last but not least, Laurent Michel, alias The Chipili, qui a même inventé le terme dictatup à l'occasion, terme évidemment qu'on a tout de suite adopté. J'espère avoir oublié personne, mais j'avoue que c'est tout à fait possible, tellement j'ai reçu de messages par tous les canaux. Enfin, vraiment, c'était une espèce d'explosion, comme ça je ne m'y attendais pas du tout, par mail, par Facebook, Twitter, Google+, SoundCloud, Skype et même par LinkedIn. Une espèce de feu d'artifice comme ça, de témoignages d'amitié. Certains messages m'ont vraiment ému aux larmes. Merci les amis, du fond du cœur. Et puis merci aussi à tous pour vos encouragements systématiques pour Nicotup et pour le reste de l'équipe. On est sûr que tout va très bien se passer. Et pour continuer sur la même lignée, ben en fait, ce soir, il n'y a pas de plug, il n'y a que des merci. Pour les plus observateurs, la chatroom a un peu changé de tête. Et ça, c'est grâce à deux personnes. D'abord, Maxime, qui nous a tout redesigné et qui a envoyé un design en dur qui ne bougeait pas. Et Pascal, qui, alors que je traînais à le faire, finalement, a pris ça en main et a intégré ça dans la page actuelle pour que tout bouge et tout marche. Donc voilà, on a une nouvelle page live grâce à Maxime et Pascal, et donc c'est super, et donc merci à eux. J'avoue, ça a de la gueule, c'est magnifique, merci beaucoup. Et puis donc, on va conclure. Eh bien, comme d'habitude, que vous ayez aimé ou non, surtout, ne restez pas les bras croisés, envoyez-nous tous vos commentaires, toute critique constructive est bienvenue. Inondez-nous de courriers, de commentaires, de likes ou non, de tweets, de retweets, de clin d'œil et même des cadeaux de Noël. Vous pouvez faire tout ça sur Podcast Science. .fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur tout l'Internet mondial, allez-y. C'est très très agréable d'entendre tous ces noms de réseaux sociaux qu'on prononce à la française prononcer avec un vrai accent. Enfin, quelque chose... Chez nous, on dit retweet, c'est vrai. Mais... Bref, en tout cas, merci encore à tous et à toutes, poditeurs et trices chéries, d'être fidèles au poste chaque semaine. Merci à Pouillot et à Randall Flagg pour les dessins. Merci à Vincent pour le dossier. D'ailleurs, Vincent, tu peux nous dire rapidement où est-ce qu'on te retrouve sur l'Internet mondial ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @dessousdescience, et voilà, sur mes blogs, n'hésitez pas à me contacter. Ah, j'ai oublié juste, je fais un peu de pub. Le laboratoire dans lequel je travaille a ouvert un compte Twitter récemment, c'est INSERM U846, et comme c'est moi qui le gère, je vous conseille d'aller le voir, on essaiera d'ouvrir le labo au grand public. Alors, on vous rappelle aussi au passage, on en parlera dans deux semaines lors du freestyle, qu'on a toujours un quiz en cours. sur un merveilleux sujet qui est la transplantation fécale. Est-ce que ça existe, un faux ou un tox? Est-ce que ça sauve des vies? Et est-ce que ça sauve des vies? C'est toi, Alan, qui a préparé toute une recherche d'investigation là-dessus. Pas encore, mais j'ai mes sources. Je sais ce que je vais raconter. Moi, j'ai des collègues de boulot qui sont tombés sur mes recherches. Ils ont fait une tête bizarre. Hein. J'ai fait un article sur l'infusion de matière fécale, si tu veux, hein, avec des dessins de Stéphanie Dubé. Bah, merveilleux. J'aime bien quand on parle entre spécialistes. Formidable. Bref, et sur ce, on se retrouve mercredi prochain, donc le 12 février à 20h30, juste avant la Saint-Valentin, sur live.podcastscience.fm avec Billy, qui va nous parler de sexe. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, et que... Et que servir la science soit votre joie. Ce qu'on vient d'entendre, c'était un message d'Hélène Val de Guyane, donc au bord du fleuve Amazon. C'est du Bushitengo. Le Bushitengo, ça regroupe plusieurs langues parlées par les Noirs marrons, dont le Saramaka, le Paramaka, le Sranan, le Njuka, plus communément appelé Takitaki, ce qui est un poil péjoratif. Enfin voilà, donc ça c'était une traduction de notre petit mot de la fin. Puis à partir de maintenant, on vous invite, surtout aux personnes qui sont dans des coins un peu exotiques pour nous, hein, de la planète, à nous envoyer leurs enregistrements du petit slogan « Que servir la science soit votre joie » dans la langue locale, et puis on les diffusera à chaque fois. Je trouve l'idée super cool. Merci, un grand merci à Hélène Val pour cette première. Elle place la barre très haut, et puis on attend vos contributions nombreuses. Et si vous êtes dans un pays francophone, vous pouvez aussi participer, c'est super. N'hésitez pas à utiliser les accents ou expressions locales. Enfin, étonnez-nous comme d'habitude. Ouais, on vous fait confiance. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Bonsoir. Et puis, tu fais des bruits un peu bizarres, je crois, avec les mains ou quelque chose. Il y avait un bruit un peu étrange, ouais, qu'on n'arrivera pas à enlever au montage, je pense. Ouais. Bah, désolé. Allez, sur ce, c'est quand tu veux, Alan. C'est Alan, c'est ça ton prénom. Mec, il est con. Ok. D'abord, on a une question de Maël qui nous dit « J'ai commencé une thèse il y a 3 ans que j'ai arrêtée sur le copy number, les SNP et les gènes oncogènes. Ma question est donc, pourquoi des bouts d'ADN copiés ailleurs sur les chromosomes ?» Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, mais tu vas peut-être pouvoir nous aider. Pourquoi Non, en fait, y a eu des intégrations tout au long de l'évolution, des intégrations de séquences virales, qui sont des rétrotransposons, qu'on retrouve... qui sont très répétés et conservés entre les espèces. Donc, par exemple, moi, je vous ai parlé de mon travail, je travaille sur donc le nouveau gène qu'on a découvert là, au laboratoire. Il est justement sur une séquence répétée et conservée, et qu'on retrouve vraiment dans quasiment l'intégralité des espèces. Le pourquoi, voilà, donc c'est des séquences rétrovirales qui sont conservées. Et après, j'ai pas tout compris la question non plus. Bon, ok, alors... Alan, pourquoi on avait parlé de The Cake is a Lie Algebra? J'en ai mais aucune idée. Je comprends pas. Il y a un jeu vidéo où la conclusion, c'est The Cake is a Lie, parce qu'ils te font miroiter un gâteau pour le jeu jusqu'à la fin. Et l'autre jour, je sais plus pourquoi, j'ai dit à Alan The Cake is a Lie Algebra. Bah oui, non, l'algèbre de Lie, c'est un peu pour la pifiou, il faut reconnaître quand même. Hein. C'est ça, LGJ résume bien, la blague peut être comprise que par les fans de Portal et les fans d'Algèbre de Lie. C'est un peu restreint, mais c'est quand même une bonne blague. Oui, voilà, donc si ce n'est que je n'avais pas compris, là, je pensais que c'était une référence à un autre truc, mais du coup ça me semble aussi un public très très restreint, c'était là que je... Ouais.